Caramel. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, l'avant-dernière de cette émission, l'avant-dernier épisode de cette émission hebdomadaire qui depuis 34 ans est diffusée sur ces ondes campusiennes, émission réalisée par Marc Lazaro. Et ce soir on parle de festival d'été, la saison vient tout juste de commencer, avec Cécile Hérodeau du festival Convivencia, festival qui sillonnera le canal du midi du 1er au 25 juillet et puis également dans ce studio, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, mais aussi le programmateur de Jazz à Luz, le festival des musiques aventureuses, 32e édition du 12 au 15 juillet. Et puis, dans le courant de l'émission, nous aurons au téléphone Audrey Ginesté, la réalisatrice du film Relax, film sorti en avril dernier et traitant de l'affaire Tarnac au travers de la préparation de la défense de Manon Glibert, l'une des inculpées dans cette affaire qualifiée par l'État d'entreprise terroriste pour de supposés sabotages sur des lignes TGV en 2008. Le procès montrera le côté fantasmagorique, imaginaire, absurde et mensonger de cette accusation, mais ça 10 ans plus tard. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. On vous dit depuis longtemps tout le bien que l'on pense de la scène toulousaine qui n'en finit pas de nous surprendre. Apparu il y a environ 3 ans, Bol, sextet fiévreux et puissant, après la sortie d'un album en 2021, publie de manière aléatoire des singles sous forme de clips à voir sur YouTube. Après Bagarre en début d'année, le nouveau clip Berlin fait le lien entre musique alternative et Main Street, jazz moderne, rock et électro, pour une musique plutôt brûlante, obsédante, vivante et débordante d'énergie. Enregistré et filmé au petit skate park à Toulouse en public, ce clip est sorti en début de semaine et témoigne de la vitalité d'un groupe qui sera à Jazz à Luz le 12 juillet prochain. Allez Bol, on les écoute tout de suite. Berlin, d'un morceau à voir et à écouter sur YouTube. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Voilà, notre traditionnelle émission consacrée au festival d'été. Et ce soir, on parle donc du festival Convivencia, qui pendant le mois de juillet va sillonner les rives du canal du Midi, du 1er au 25 juillet. On en parlera avec Cécile Hérodeau. Et puis, on parlera aussi également ce soir du festival Jazz à Luz, qui lui aura lieu du 12 au 15 juillet. Bonsoir. Bonsoir. Et vous parlez près du micro, s'il vous plaît, ça va aider nos auditeurs à vous entendre. Une première question pour vous deux. Un festival après la crise du Covid, les deux crises du Covid que l'on a connues ces deux dernières années et une certaine désaffection du public pour toutes les manifestations artistiques, que ce soit cinéma, que ce soit musique. Est-ce que un festival a du mal à se monter dans ces années post-covidienne? Cécile? Alors, j'ai envie de dire que nous, on a eu la chance de ne jamais s'arrêter, puisqu'on a, même en 2020, on a maintenu le festival Convivencia en changeant son format. Effectivement, ce n'était pas simple. 2020 et 2021, c'était encore plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et après, on a la chance d'être à la 27e édition. Donc, c'est un festival qui est quand même reconnu, apprécié. Donc, on a une bonne fréquentation s'il fait beau. Donc, moi, je suis assez confiante pour cette 27e édition. Et c'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, que l'avant-moment du Covid, ouais, on va dire. Et du côté de Jazz à Luz, Jean-Pierre Lérac? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements là, pendant cette période. On se demandait si le public allait revenir. Nous, en 2020, il n'y a pas eu de festival. On a réussi à en faire un en 2021. Mais dans des conditions aléatoires. Très, très particulières. Mais ce qu'on a senti, c'est qu'en fait, c'est sûr qu'après deux ans comme ça, les gens, ils avaient vraiment besoin à un moment donné de ressortir. Et donc, de suite après, en 2022, il y a eu vraiment, on a senti qu'il y avait vraiment, on n'avait pas besoin de revenir chercher le public. C'est la question qu'on pouvait se poser. Il était là, il attendait en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué au niveau, par contre, administratif et tout. C'est sûr que ça a changé beaucoup de règles. Il y a eu des aides pendant les années de Covid, qu'après, ils disparaissent. C'est un peu compliqué au niveau de la cuisine interne. Mm-hmm. Par contre, au niveau du public, il n'y avait aucun problème. Et puis, ces deux festivals de territoire ont fait aussi un travail à l'année. Donc, on est en lien avec aussi les habitants et habitantes à l'année. Donc, il y a une envie ensuite de participer au festival. Et il y a des jalons qui sont posés tout au long de l'année. Voilà, exactement. Et qui fait de ces deux festivals un moment attendu. Exactement. C'est ce qui donne encore plus de sens. Et pour Jazz à Luz et pour Convivencia. Une autre question pour vous deux. La France, c'est un peu le pays des festivals. Il y en a partout. L'été, le moindre petit village de 500 habitants a le sien. C'est pas compliqué depuis ces 15 dernières années de se démarquer. Pour Convivencia, en tout cas, nous, on est quand même un festival assez atypique du fait qu'on transforme une péniche longue de 30 mètres en scène de concert. On aménage les berges dans une ambiance conviviale. Chaque année, on se renouvelle. En 27 éditions, il n'y a jamais eu le même parcours. On développe maintenant vraiment de nouvelles actions autour de la partie la plus visible, la partie soirée et concert. Mais on travaille avec les acteurs du tourisme, avec la jeunesse, maintenant même avec les maisons de retraite. Donc on travaille avec une diversité d'acteurs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un projet de territoire. Donc c'est un travail d'une année. La partie la plus visible, c'est le festival Convivencia, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est un travail d'une année. Donc nous, on arrive facilement à se démarquer de par cette scène flottante et ce travail à l'année, ce vrai travail de territoire qu'on fait tout au long de l'année. Et Jean-Pierre Lérac, même question, comment surnager dans cette masse de festivals estivaux? Alors nous, on se démarque pour une autre raison. On n'a pas de péniche, mais par contre, au niveau de la programmation musicale, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des musiques, on est un peu sur une niche au niveau des musiques qu'on défend. Donc à ce niveau-là, il y a quand même, c'est un peu atypique là aussi, parce que il y a très peu d'artistes qui jouent dans notre festival, qui jouent dans d'autres. Donc on se démarque à ce niveau-là. Et bon, ensuite, il y a aussi quand même aussi le côté géographique. C'est vrai que la situation de Luz fait que ça devient un festival atypique parce que c'est dans une région montagneuse, etc. Donc voilà. Donc c'est sûr que chaque festival a ses particularités. Mais nous on considère pas ça comme un problème. Ça, on se démarque assez naturellement, je veux dire. Et en plus, il y a ce travail, comme dit Cécile, on a le même travail aussi tout au long de l'année sur le territoire qui est important. Vous l'aurez compris, le mot important pour les festivals que l'on a invités ce soir, c'est atypique. Allez, on va faire un premier break musical en écoutant un groupe Mingban 7 qui est programmé dans le cadre de Jazz à Luz. On écoute un morceau et Jean-Pierre Lérac nous en parle juste après. Jean-Pierre Lérac, alors, deux, trois mots sur ce Mingban 7. Ben là, cette année, chaque année, on essaie de programmer des musiciens européens. Donc, cette année, on a un petit peu des musiciens allemands, suisses, belges, enfin, de cette contrée-là. Et là, c'est un groupe, c'est un trio suisse autour d'un batteur qui s'appelle Jerry Hemingway, qui est un batteur américain qui est devenu suisse, comme beaucoup d'Américains, oui. Comme certains Américains. Vous voulez dire qu'il a en même temps loué un coffre-fort juste à côté de chez lui. Je n'entrerai pas dans ces détails. Donc ça, c'est un projet qui est très original, avec une chanteuse qui s'appelle Vera Bowman. On est vraiment dans les esthétiques qu'on défend. Puis après, Jerry Hemingway, ça fait partie quand même des grands noms du jazz en musique improvisée. La ligne éditoriale de cette 32e édition? Alors, on reste toujours sur les mêmes choses. Notre préoccupation, c'est d'étonner. Vous avez compris, je vous ai dit, on allait quand même s'intéresser à tout un tas de musiciens qui viennent de ce côté-ci, de la France, de l'Allemagne, tout ça. Mais après, on va avoir beaucoup de musiciens de la région cette année. Un gros focus sur la scène toulousaine. Et puis après, alors il y a quand même une particularité cette année, c'est qu'on invite Mathieu Amalric. Ça va être quand même, c'est un peu le truc un peu particulier cette année. Il y a une partie cinématographique, puisque Mathieu Amalric vient présenter ses films sur John Zorn. Il a fait plusieurs films sur John Zorn. Donc il en a fait trois, si je me souviens bien. Voilà, il est en train de travailler sur d'autres films sur John Zorn, puisqu'il continue à le suivre depuis 2010. Et donc il sera présent pour défendre ses films. J'ai eu l'occasion de les voir. C'est vraiment un univers de John Zorn, bon, qui est bouillonnant. En fait, c'est passionnant parce qu'il y a une vraie histoire entre eux deux, une histoire de passion, quoi. Et on rentre vraiment dans l'univers de John Zorn. John Zorn, évidemment, on peut pas se le pémunier sur la scène de Luce, donc on a trouvé un moyen de le proposer quand même à nos festivaliers. On le verra pas sur scène, mais on le verra à la verticale sur un écran de cinéma. Voilà. Avec quand même Mathieu Amalric qui sera là pour présenter ses films, donc pour en dire aussi trois mots. Ah ben oui, puis après c'est passionnant parce qu'il est tellement passionné tellement il a pratiquement mis sa carrière entre parenthèses pour suivre John Zorn, il ne fait que ça, c'est plus qu'une histoire d'amour, et donc il en parle avec cette passion, quoi. Il a vraiment envie d'échanger là-dessus, et ses films sont des films qui projettent pas dans le commerce, c'est des films à lui, c'est comme ses films de vacances, mais il fait partager cette passion à tout un tas de gens. On va faire une deuxième coupure musicale avec un morceau qui est pioché, mais j'allais dire dans la playlist de Convivencia, c'est le duo By the Skate, Halima Hamel, Vincent Ferrand. On écoute un morceau d'un petit EP, trois titres, sorti, mais c'était pendant le Covid justement, sorti en 2020, et puis on continue à en parler avec Cécile Hérodo. شعري حريش مسسة قبارة بس فلي دبي دار بوني عشاري طوير حي بدي في السوش علي بأبابيات بأبابيات مرفيق كيف واسمي والسميح حاجة حلو كيف كيف اسمي والسميع حي حاجة حلو شعري حرش شوربي بك مشرب شوربي بك مشرب الطفل صغير رنا حي ودي وعرى بزيف انك تلالوم انك تلالوم اللون نشوفك كيف واسمي واسمي حي والسميع حي حي By the Skate, donc programmé dans le cadre du 27e périple sur le bord de la Garonne de Convivencia. C'est demain, c'est l'ouverture du festival. Ouais, il joue pour l'ouverture du festival et j'en suis ravie. C'est un magnifique duo, Halima Hamel qui est compositrice, poète, musicienne et accompagnée, donc elle chante en arabe, français, anglais, sur des thèmes très forts, parfois intimes, autour de l'âme de la femme. C'est très beau. Et elle a accompagné avec Vincent Ferrand à la contrebasse. Et vraiment, les deux, sur scène, ils sont vraiment ensemble, ils jouent ensemble. Ah ouais. Une très belle complicité, c'est très beau, c'est prenant. Enfin, les deux, ils t'embarquent dans leur univers. Enfin, c'est vraiment à voir sur scène. Voilà, et donc Halima Hamel, figure, j'allais dire, de la scène toulousaine, ancienne de Manco Maroc, c'est vrai que cette année aura été presque son année avec la parution d'un livre qui se faisait l'écho de ce qu'elle avait écrit pour son spectacle Medea Mountains. Mm. Et puis il y a Down by the Skate également, il y a ces poèmes aussi qui ont un recueil de 22 poésies, voilà, ouais, qui ont été publiés. Une grosse année pour Halima Hamel cette année. Et puis Vincent Ferrand, que l'on a connu ici au sein du CUF dans les années 90, Glace Oignon était sa formation phare, et puis que l'on a redécouvert il n'y a pas très longtemps dans Zin Trio. Et puis il y avait ce groupe incroyable qu'on a vu à Luz il y a 6-7 ans, au Star Claqué, ouais, dans lequel il intervenait également. Vraiment là, deux gros musiciens, musiciens toulousains. Et Halima Hamel, on l'a associée à un parcours intergénérationnel là, depuis 6 mois. Donc elle travaille avec des résidents et résidentes en EHPAD, et l'EHPAD de Grisolles et Montèche en Tarn-et-Garonne, et des jeunes de l'école de musique intercommunale. Et là, on va présenter donc le 1er juillet et le 2 juillet, le matin, dans chacun des EHPAD, des bulles musicales et poétiques. En fait, elle a travaillé avec les résidents sur des textes, en travaillant sur la mémoire, les récits de vie. Et ces textes vont être mis en musique par les jeunes de l'école de musique. Même question que Jean-Pierre Lérac tout à l'heure. La ligne éditoriale de votre festival, on la connaît. C'est plutôt une ligne de navigation. De voyage, ouais. Basée autour des découvertes des musiques du monde. C'est quand même votre marque de fabrique depuis le début de Convivencia. Mais il y a des aspects spécifiques cette année. Alors, c'est effectivement une ligne artistique un peu comme Jean-Pierre, où on est sur une proposition moi j'essaie de trouver un peu les pépites artistiques qui sont malheureusement, moi je trouve pas assez vues sur les scènes et entendues dans les médias. Et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant des musiques, musiques du monde, des musiques d'essence patrimoniale qui vont vraiment être le reflet de la diversité de la société d'aujourd'hui. Et qu'on puisse découvrir plein de traditions de certains pays ou certaines même régions de France avec des sonorités souvent assez contemporaines. Mais on va pouvoir retrouver des sonorités des fois jazz, rock, techno, hip-hop, c'est assez varié, mais avec aussi l'aspect traditionnel. Et là, on part cette année au Brésil, on part à La Réunion, on part en Afrique, on reste en France. C'est votre boulot de l'année d'aller chercher à droite, à gauche ce style de musique. Je passe effectivement beaucoup de temps dans les salles de concert, festivals, événements pro. Et j'échange aussi avec des producteurs, des personnes qui s'occupent de faire aussi tourner les artistes, parce qu'ils font aussi un sacré travail de repérage artistique. Donc oui, moi, c'est à l'année ce travail-là. Et la programmation, je la construis aussi en fonction des territoires, parce que la partie la plus visible sont les concerts. Mais enfin, à Convivencia, ce qu'on défend, c'est la rencontre, l'échange. Donc au-delà du concert, on propose des temps de rencontre de différentes façons. Ça peut être par le biais d'interviews radio, d'ateliers de pratique artistique. Mais ce temps de rencontre, il est important. Donc la programmation, elle est vraiment imaginée en fonction des territoires et de ce qu'on peut imaginer autour du concert. Vous arrivez chaque année à trouver des perles, à tomber sur des artistes pour qui ça sera la première fois qu'ils tournent dans la région, notamment un chanteur brésilien, Lucas Santana, que l'on écoute quand même régulièrement en France depuis 6-7 ans. Mais Lucas Santana, ça va être la première fois qu'il joue dans la région. Alors formule trio, effectivement, c'est sûr, elle n'a jamais joué dans la région toulousaine. C'est un artiste que je suis depuis longtemps. Je l'avais vu sa formule solo et je trouvais plus compliqué de la mettre en avant dans le cadre du festival. Et là, dernièrement, j'ai vu le format trio un peu plus puissant, plus adapté à Convivencia. Et vraiment, c'est pour moi un artiste emblématique de la musique brésilienne, bossa nova, avec un côté très engagé, militant et en même temps une musique ensoleillée. Donc je trouvais que ça allait très bien à Convivencia. Et avoir énormément avec tout ce courant tropicaliste des années 70 qui a mixé musique anglo-saxonne et musique brésilienne, comme Gil Gilberto a pu le faire aussi dans ces années-là, ou Caetano Veloso. Il est vraiment dans cette tradition-là. Donc lui, Lucas Santana, sera à Aigues-Vives, ça sera le 10 juillet, et ça sera la sixième étape à l'écluse d'Aigues-Vives. On écoute là un morceau qui fait partie de la programmation de Jazz à Luz, Random, la diabolique. On se retrouve juste après avec Jean-Pierre Lérac pour en parler. Thank you. Jean-Pierre Lérac, alors deux mots sur ce Ramdam, la diabolique. Ramdam, alors déjà c'est le groupe qui va clôturer le festival. Et puis, sur la grande scène, ça veut dire ça. Ça va être sur la grande scène. C'est un moment festif, mais c'est vrai que c'est, chaque année on a toujours un petit clin d'œil sur les formes de musique traditionnelle telles que les musiciens impro la jouent aujourd'hui. Et ça c'est vraiment typique de ce genre de propos. C'est le groupe Ultra Zouk qui est bien connu dans les musiques alternatives qu'on défend, les musiques plutôt jazz un peu déjantées. Un groupe de Tours et qui là s'associe avec des musiciens de musique occitane. Et donc voilà, ce travail c'est vraiment d'arriver à faire ce mélange. Alors c'est un exercice qui est excessivement périlleux. Ça marche, ça marche pas. Quand ça marche bien, ça marche super bien. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Je pense que là il y a un vrai travail, une belle fusion entre les deux univers. Quoi. Et comme chaque année, les musiques traditionnelles font partie de la programmation de Jazz à Luz. La Familia Artus, sous diverses formes, était déjà venue chez vous plusieurs fois. Ça reste un élément marquant des musiques impro, ces musiques trad. Alors moi, je crois que ça fait partie. Nous, on s'intéresse vraiment aux musiques expérimentales d'aujourd'hui. Je crois que autour de la musique traditionnelle, il y a vraiment des choses super qui se font. Et c'est pour ça que chaque année, on a toujours ce petit clin d'œil. Je disais par rapport, on a des gens comme Bégayé qui sont venus. Qui, là, on est sur une version assez déjantée de la musique traditionnelle. Mais c'est vrai que Artus a joué. Les gens de la Novia. C'est vrai qu'on a toujours dans un petit coin. C'est parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire, parce que c'est d'une part un respect des musiques, il y a un vrai travail de collectage, mais en même temps, c'est pas juste mettre une guitare électrique dessus, c'est vraiment travailler à partir de et ça donne, je trouve que c'est hyper cohérent, quoi. Et cette année, dans ce cadre-là, on verra un duo, Kogan contre Courcial, KXC, qui viendra jouer. Là, c'est une version carrément hard rock des musiques traditionnelles. Mais n'empêche que, un, c'est chanté en occitan. C'est chanté en occitan. Et deux, ils reprennent aussi des thèmes traditionnels. Ouais, ouais. Mais là, on est plutôt sur un propos, on est carrément sur du rock assez virulent. Et chanter en occitan, ça fait partie aussi des, ça sera un peu les, avec Ramdam, ça sera un peu nos deux clins d'œil sur la musique traditionnelle occitane. Après, donc vous disiez cette année focus sur la scène toulousaine, on rappellera que Boucan sera à Jazz à Luz cette année, et focus sur les musiciens européens, vous êtes allé chercher dans quelle région cette année? Alors, je vous dis, l'année dernière, on avait fait un focus sur la scène barcelonaise. C'était passionnant parce que c'est tout un tas de musiciens qu'on ignore même qu'il y a des musiciens à Barcelone. Le jazz espagnol, on l'a oublié carrément parce que c'est tellement inexistant. Et donc, à Barcelone, il y a un petit noyau comme ça de furieux qui font de la musique improvisée autour d'Agustí Fernández. Et donc, c'était intéressant pour nous de faire découvrir, parce qu'ils ne jouent jamais en France. Et donc, cette année, donc, on s'est orienté, je vous dis, de l'autre côté un petit peu. Il y aura un trio de colonnes, un trio allemand qui s'appelle Free Quartet autour d'un trompettiste magnifique qui s'appelle Pablo Guiu, et on aura également des Hollandais, on aura des Belges, on aura d'ailleurs une version un peu plus violente avec La Jungle, le duo belge qui est très attendu sur le site, parce que ça risque d'être un moment assez dansant, on va dire, pour résumer. Voilà, il y a Farida Amadou qui est belge. On a des Hollandais parce que autour de Andy Moore, qui est le guitariste bien connu de The X, qui sera présent avec la chanteuse Isabelle Dutoit. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu un focus sur cette partie de, voilà, on peut pas résumer tout ce qui se passe là-bas, mais voilà, en plus ce sont des formations qui ont très peu d'occasion de jouer. Enfin, Pablo, ce sera la première fois qu'il va jouer un festival français. Avec des choses qui fédèrent un peu cette scène nord-européenne. Le problème, c'est qu'on ne la connaît pas assez. Mais on pourrait se dire, presque on se dit, en Allemagne, il n'existe rien. Mais en fait, il y a une grande vivacité. Et c'est vrai que là se pose le problème de ces réseaux européens. Beaucoup dans nous, on reste avec nos figures un petit peu franco-français. Il y a très peu d'échanges avec ces musiciens. Et c'est pour ça que ce travail est intéressant, parce que de découvrir des musiciens, les Français, ils sont très bons. Hein, il y a un très bon musicien de jazz, mais il y a les mêmes en Belgique, en Allemagne. Ça me paraît intéressant de les faire découvrir. C'est une des nouvelles pistes de Jazzalus, ça, d'essayer de monter un réseau autour des diverses scènes européennes de musique impro. Ben ça, c'est un long travail, on aimerait bien y participer. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller au festival de Saalfelden en Autriche. Et par contre là, justement sur ces pays, en Autriche, en Norvège, là par contre ils sont beaucoup plus organisés que nous, ça voyage un peu plus. Donc il y a un travail à faire pour être un petit peu moins protectionniste, je dirais, sur en France, dans ce monde du jazz. Et donc ça fait partie de ce travail, c'est évident. Et on a vraiment envie d'une part de soutenir, parce que de que la scène française soit présente, parce qu'il y a forcément des choses intéressantes, que la scène autour de Toulouse soit représentée aussi, mais aussi un petit peu un regard sur les musiciens européens. Cécile, Convivencia avait essayé à un moment donné de monter ce réseau-là. Je me souviens d'un Convivencia à Barcelone, d'une expédition vers le Portugal. L'équipe de Convivencia, à l'époque amenée par Jean-Marie Freys, avait tenté de faire ce travail-là, avec aussi une espèce de grosse convention des festivals et des musiques trad ici à Toulouse, à la Grainerie, si je me souviens bien, qui fédérait un certain nombre de structures. Vous en êtes où de ce travail engagé il y a une bonne douzaine d'années? Une bonne douzaine d'années, effectivement. Et pendant une dizaine d'années, Convivencia a développé des, on va dire, projets européens, sous forme d'échanges, rencontres entre professionnels, échanges, programmation artistique. Et puis, effectivement, le point d'orgue, ça a été l'Ofestenal, cet événement, ce marché transfrontalier. Pour faire la part belle à la programmation, enfin des artistes de ce territoire assez large. Et Salon qui n'a eu qu'un numéro. Oui, qui a eu qu'une seule édition. C'est vrai qu'après on a souhaité plutôt renforcer le notre maillage de territoire à l'échelle régionale. En tout cas, aujourd'hui, on en est là où on vraiment, c'est un travail d'une année avec des actions, des parcours, de l'accompagnement artistique aussi, création, où on accueille des artistes en résidence. Ce travail-là, on le faisait moins. Donc, le projet a évolué aussi au moment du départ de Jean-Marie, le fondateur, ancien directeur de Convivencia, où nous, on a retravaillé un peu le projet, où on a développé toute la partie transmission, action culturelle et accompagnement artistique. C'est des choses qui avaient été difficiles à tenir sur la durée, ces échanges. Alors, c'est au niveau financier, ça a été très compliqué. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix. Et aussi, souhait de développer la partie transmission, accompagnement artistique. Mais c'est vrai qu'au niveau financier, ça demande vraiment d'avoir les reins solides, parce que c'est des financements qu'on obtient... des fois des années après l'action passée, quoi. Donc là, on n'a pas encore tout récupéré. 10 ans plus tard, on n'a pas encore tout récupéré. C'est très très long, quoi. On va rester un peu avec vous. Je parlais tout à l'heure de Perle. Dites-nous deux mots de la Perla. Perla. Un groupe que l'on a vu déjà jouer à Toulouse, parce que elles ont été les compagnonnes de route de Puccinella. Elles le sont toujours, d'ailleurs. Mais là, elles viennent et toutes seules. Toutes seules, ouais. Alors, elles sont trois sur scène, mais on a l'impression qu'elles sont 10. Trois femmes puissantes, j'ai envie de dire. C'est du chant, des percus. Et donc, elles mettent en lumière les traditions musique caraïbéenne de la Colombie, avec un son, enfin, une énergie plutôt punk, un peu rock. Mais ça reste vraiment tout public, parce qu'on entend aussi les sons traditionnels, comme le merengue, la cumbia. Il y a plein de sons qu'on retrouve. Et ouais, c'est puissant et c'est dansant aussi, c'est très chouette, quoi. La Perla que l'on pourra écouter le 12 juillet à Gardouche, à Caramonville, on va avoir Julien Babou avec des invités, et là je suppose que c'est une commande de votre part. Alors, on a construit cette date autour du projet Navire Boucan, un orchestre de Maloya qu'on a créé il y a 2 ans avec Julien Babou, un orchestre de musiciens et musiciennes amateurs, des adultes handicapés et des enfants en école de musique. Et pour l'occasion, donc là c'est vraiment, on va le mettre en avant, Julien Babou va présenter son nouveau quartet avec Gérald Toto. Et on a décidé d'inviter aussi René Lacaille qui fête ses 70 ans de carrière cette année et qui est friand de ces moments de rencontre et qui fait partie quand même des figures de la musique réunionnaise. Et sa fille, Oriane Lacaille, qui va présenter son nouveau trio. Donc ça va être une soirée découpée, on va dire, qui va démarrer à 19h30, au moins jusqu'à 23h30, où il va y avoir à chaque fois des invités. La soirée de rencontre autour des musiques de la Réunion. Dédiée aux musiques réunionnaises. À Gérald Toto et Julien Babou, ça promet des flammes, ça. Oui. ça promet Notez des flammes. Bien la date, jeudi 6 juillet. Voilà, donc dans 15 jours, on parlait tout à l'heure de Lucas Santana, ça sera l'étape d'Aiguevive le 10 juillet. Deux mots sur Nanas Benz du Togo, qui seront à Toulouse, dont là c'est au port de l'embouchure. Alors c'est l'un de mes coups de cœur, mais on va dire mon coup de cœur des transmusicales de Rennes de cette année. Ça a été une grosse claque. Elles viennent tout juste de sortir leur album, mais vraiment jusqu'à encore 15 jours, il n'y avait pas du tout d'écoute. Elles sont trois chanteuses togolaises, des prêtresses togolaises qui chantent des chants hyper puissants, hyper longs, avec derrière deux musiciens qui ont fabriqué un set de percus à base de tuyaux en PVC. Ils jouent avec des savates, ça donne un son, on a l'impression qu'ils ont des basses, mais pas du tout. Et c'est une musique vaudou, de la trance avec des sonorités un peu funk. C'est hyper, hyper puissant. Moi, je trouve que c'est un peu dans l'énergie de BC aussi. Dans un autre genre. Qu'on a vu la semaine dernière, il y a 15 jours, à Rio Loco. Oui, au Rio Loco, oui. C'est d'ailleurs été un grand succès. Et c'est un projet qui est accompagné par Peter Solo de Voodoo Game. Voilà, donc ça sera sur l'étape toulousaine de Convivencia le 4 juillet. On va écouter tout de suite ces Nana Benz du Togo avec un morceau qui s'appelle J'ai compris. Et vous allez vous en rendre compte, elles ont compris beaucoup de choses. Maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Tu comprends pas? Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Hey. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi. Quand je dis non, c'est non. Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Tu comprends pas? Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Compris. Clavatato. Zéro. Clavatato. Zéro. Je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Yes, c'est yes. Non, c'est non. Out, c'est out. Nuka, c'est nuka. Guédé, c'est guédé. Jamais, c'est jamais. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. Maintenant j'ai compris. T'as compris. Maintenant j'ai compris. Quand je dis non, c'est non. Maintenant j'ai compris. Voilà, dernière intervention de nos deux invités du soir, Cécile Hérodeau pour le festival Convivencia et Jean-Pierre Lérac pour le festival Jazz à Luz. Le premier Convivencia commence demain, 1er juillet, et va courir jusqu'au 25 juillet. On va quand même donner un site internet, convivencia.eu. C'est bien ça. C'est bien ça. Et là, on aura la programmation complète. Pour Jazz à Luz, c'est à peu près pareil. Jazzaluz.com. Voilà. Ouais, voilà. C'est aussi simple. Dernière question pour tous les deux. Les soirées à ne surtout pas manquer. Et ça, c'est compliqué. Jean-Pierre Lérac, à Jazz à Luz. Alors ça, j'ai toujours refusé de répondre à cette question. Continuez. Soyez cohérents. Je vais encore refuser, puisque en fait, pour nous, c'est les quatre soirées Seval, on va dire. Nous, on construit un festival où les gens, c'est un espèce de parcours. Et on ne va pas dire bien surtout. Alors, ce que je fais, par contre, suivant les goûts, s'il y a des gens qui me disent, oui, moi, j'ai un peu du mal avec des musiques un peu aventureuses comme ça. Des fois, je les aiguille sur des soirées où c'est un peu moins voilà. Voilà, voyez, mais ça, faudra venir vous voir à Luz pour après, avoir droit à ça. Après, recommander une soirée plus que non, je trouve que c'est un peu dommage par rapport aux autres qui, voilà, je crois que chacun mérite d'être mis en avant, quoi. Voilà. D'accord. Pour poser la question autrement, celui qui risque d'être le plus surprenant pour le festivalier. Alors, la dernière journée, clairement, ça va être la journée la plus impro, entre guillemets. Voilà, sur les la plus improbable. Alors, les gens, ils seront préparés, là. On sera sur la quatrième journée, donc ils seront prêts à aller sur ils des terrains. Ils seront entraînés, oui. Ils seront entraînés. Là, ils pourront aller sur des terrains peut-être qu'ils n'avaient pas soupçonnés. Je dois avouer, la dernière journée va être un petit peu plus piquante. Voilà, journée type, cette année, ça commence toujours aussi tôt pour se finir toujours aussi tard? Non, mais cette année, les règles ont un peu changé à cause du cinéma, mais c'est vrai que le cinéma va commencer à 9h30. Mais en parallèle, à partir de 10h30, il y a des balades qui sont en parallèle avec... Donc ça commence à 10h30 tous les jours. Et puis après, les derniers concerts commencent à 1h du matin. On va dire 3h du matin, ouais. Ça va être à peu près la moyenne de fin de soirée. Vous l'avez compris, pour aller à Jazz à Luz, il y a intérêt à s'y préparer physiquement. Bien avant, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Du côté de Convivencia, ce qui pourrait être le plus surprenant pour vous, ou personnellement, vous attendez ça avec impatience parce que pas souvent entendu et que vous allez peut-être découvrir un peu sur scène. Alors moi, juste ce que je voulais dire, c'est Convivencia, c'est le festival le plus lent du monde. Donc on défend la lenteur. Donc prenez le temps. Prenez le temps de nous suivre, prendre en 3 semaines, vous pouvez nous suivre à pied, il n'y a pas de souci. Vous irez même plus vite que la péniche qui navigue en moyenne au rythme de 5 km/h. Donc arrêtez de speeder, de vouloir courir après la vie. Prenez le temps, suivez Convivencia. Et si je veux juste dire, moi, peut-être le concert, peut-être qu'il sera le plus surprenant, mais je vous le dirai à la fin, hein, pour venir, que je revienne en septembre. Caramel sera fini. Oui, alors, dans une autre émission. Je dirais Olena Utaï, qui va être seule sur scène. Elle vient de Sibérie, c'est une virtuose de la guimbarde, et elle imite tous les bruits de la nature. C'est une chamane, elle l'embarque, et pour moi, c'est plus qu'un concert, c'est une performance sur scène, et ce sera le vendredi 7 juillet à Castanet-Tolosan. En tout cas, Convivencia, c'est du 1er au 25 juillet. Ça commence donc demain du côté de Grisolles. Jazz à Luz, c'est le 12, 13, 14 et 15 juillet du côté de Luz Saint-Sauveur. Bon festival à vous deux. Merci. Et merci. À très vite. On s'y voit. À bientôt. Oh ben on risque de s'y voir, oui. À bientôt au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Caramel. Caramel. Au téléphone. téléphone tout de suite Audrey Ginesté. Audrey Ginesté, que l'on connaît à Toulouse comme musicienne. Elle a été longtemps membre du collectif UE. Et puis, on l'a aussi entendue dans le groupe Aqua Serge. Mais Audrey Ginesté est également une cinéaste qui a fait quelques films et pas mal de documentaires. Et son dernier documentaire, Relax, est sorti début avril et traite d'une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle en 2008, l'affaire de Tarnac, où un groupe de jeunes gens habitant le village de Tarnac en Corrèze avait été accusé, à tort, le procès le dira 10 ans plus tard, d'entreprises terroristes. On les accusait notamment d'avoir endommagé des lignes TGV. Pour l'occasion, notre ministre de l'Intérieur de l'époque, aussi finaude que peut l'être Darmanin de nos jours, les avait traités de dangereux anarcho-libertaires terroristes. Tout ça dans une mouvance de l'ultra-gauche. Rien que les 5 mots, ça faisait peur. On se cachait sous la couette. Michel Alumari, qui depuis s'est rangé des voitures, on n'en entend plus parler. Enfin, Audrey Ginesté au téléphone pour nous parler de ce film qui relate donc cette affaire de Tarnac avec un angle de vue particulier. Elle s'est focalisée sur la préparation de la défense d'une des inculpées de Tarnac, le procès ayant eu lieu 15 jours après les scènes que l'on voit dans ce film. On parle de tout ça avec elle au téléphone. Bonjour Audrey Ginesté. Bonjour. Comment est né ce documentaire ? Alors ce documentaire, il est né au moment, on va dire, des arrestations, c'est-à-dire que parmi les gens qui ont été inculpés à l'époque, il y a ma belle-sœur. Mmh. Donc la sœur de mon compagnon, donc si vous voulez, quand j'ai appris son arrestation ainsi que celle de ses amis, et quand j'ai entendu dans les médias ce qui était dit sur eux à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait raconter une autre histoire, c'est-à-dire celle, pas celle du récit médiatique en tout cas. Voilà. Et ouais. Ensuite, il m'a fallu quelques années pour savoir quelle histoire raconter, mais ça, voilà, on va en parler. Oui, puisque il faut quand même, si on se remet dans ce qui a été écrit à l'époque, il faut quand même se souvenir qu'ils ont été traités de tous les noms, montrés du doigt, stigmatisés pendant des semaines par le gouvernement de l'époque et une partie de la classe politique, mais également une partie des médias. Certains ont retourné leur casaque lorsque les premiers éléments montrant que cette histoire avait été fabriquée de toutes pièces. Certains journaux, je pense notamment à Libération, ont fait un virage à 360 degrés. Mais c'est vrai qu'ils ont été traités de tous les noms, montrés du doigt, autant pour l'accusation de terrorisme pour avoir soi-disant détruit et endommagé des lignes TGV, que aussi par rapport à leur mode de vie. Et ces jeunes gens habitant dans un petit village de Corrèze ensemble, et ça aussi, ça avait été très stigmatisé à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, on disait d'eux, ils ont des méthodes de clandestinité, ils utilisent des méthodes pour se cacher des flics, ils ne sont pas intégrés à la population, ils n'ont pas de téléphone portable, etc. etc. Voilà, il y avait un peu le cliché de la base arrière, comme ça, d'activistes violents, armés, quasiment, etc. Et en fait, vu que les perquisitions, ils n'ont rien trouvé, si vous voulez, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien du tout, les gardes à vue n'avaient rien donné, enfin, petit à petit, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'éléments. Ouais, ouais. Voilà. Pour des jeunes gens qu'on accusait de participer à un groupe à vocation terroriste, d'une association de malfaiteurs, ayant fait des sabotages et vivant dans une mouvance anarcho-autonome d'ultra-gauche. Oui. Oui, depuis, Darmanin a inventé les éco-terroristes, comme quoi c'est toujours dans les vieux pots que l'on fabrique les meilleures confitures. Pour ce documentaire, vous avez choisi plutôt que de raconter un peu les tenants et les aboutissants de cette histoire, de vous focaliser sur la préparation au procès qui interviendra 10 ans après le début de l'affaire, c'est-à-dire dans le premier trimestre 2018. Vous êtes focalisé sur la préparation de ce procès et notamment la défense de votre belle-sœur qui a été énormément épaulée par un groupe de femmes qui sont venues soutenir un peu cette préparation. Oui, alors si vous voulez, quand on fait des films, on peut pas raconter toute l'histoire. Et donc là, après réflexion, etc., je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'ils se défendent. Alors, il y avait la question de comment ils se sont défendus, parce que ce qui est intéressant, au moment où le film commence, on comprend que l'accusation de terrorisme a été écartée. Et ça, c'est eux, en fait, c'est le travail, on va dire, collectif, le travail des inculpés. Et au moment où moi je prends ma caméra, il y a quand même un procès. Si vous voulez y penser qu'il y aurait non-lieu, parce que vu que le dossier était vide, qu'ils avaient réussi à faire tomber beaucoup de choses, finalement ils apprennent qu'il y a un procès. Donc là, il y a un autre type de défense qui se met en place, parce qu'il est question de comparaître et de comparaître seul. Auparavant, il y avait des défenses collectives. Mmh. C'est-à-dire, ils ont fait valoir dans la presse, etc., par les voies de recours, etc., les défenses. Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on choisit de se défendre face à la justice, quoi. Voilà. Et j'ai décidé de montrer ce moment-là. Mmh. Qui fait de toute façon ressurgir une bonne partie du passé. L'idée, c'était de faire un film au présent, vous voyez, de pas faire un reportage lambda. Ouais. Avec une voix off qui raconterait l'histoire. Qui voulait journalistique, quoi. Ouais. J'avais envie qu'on suive dans le combat au présent quelqu'un, d'ailleurs, auquel on peut s'identifier. Mmh. Et vous mettez en place tribunal fictif pendant lequel les futurs accusés vont préparer leur défense. Plutôt que d'aller filmer le procès, vous filmez la préparation au procès. Disons qu'on savait, enfin quelque part, si vous voulez, on sait très bien qu'un procès, c'est aussi un spectacle. Mmh. Tout comme les arrestations, qui étaient des arrestations de spectacle. Hein, les télés étaient là avant les policiers. Hein, pour pouvoir filmer les policiers, il faut que les télés soient avant. Et donc, on savait que le procès était potentiellement un procès spectacle aussi. Et moi, j'ai décidé de faire un film dans les coulisses. Plutôt, c'est-à-dire on est avec les protagonistes dans le quotidien, dans les choses de la vie. Voilà, l'idée c'est pas de raconter une affaire avec de la distance, mais au contraire d'être pris dedans. Qu'est-ce qui se passe quand on est accusé de terrorisme? Comment on fait pour se défendre au quotidien? Et bon, après là, l'idée c'était de rassembler le film sur un temps très court, donc on est un mois avant le procès. Ouais. Voilà. Avec effectivement un documentaire qui filme la préparation au procès, mais aussi qui rend compte du quotidien de ce groupe de jeunes gens englués dans une machine médiatico-politique intrusive, mensongère, diffamatoire. Ouais. Comment on arrive à garder la bonne distance et à éviter de votre côté d'avoir une caméra aussi intrusive? Alors moi, je ne parlerai pas de distance. Et justement, quand on parlait de ce faux procès là que j'ai organisé, au contraire, si vous voulez, c'est que j'ai proposé mon aide. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, moi, je peux vous proposer d'organiser une répétition filmée qui servira peut-être pour le film et aussi pour vous. Et donc, c'est pas du tout distance, et au contraire, c'est une caméra participante, quoi. Ouais, mais elle est jamais intrusive, ce qui est quand même. Eh ben, l'intrusion, c'est quand on force les gens, en fait. Ah. Là, on est dans le consentement, on est avec des gens qui ont décidé de participer au film, qui ont décidé de montrer comment ils se défendent. Si vous voulez, quand les caméras de télévision débarquent, bon, déjà, elles font comme les flics, si vous voulez, elles débarquent comme ça, sans demander l'autorisation, et puis souvent elle remonte les paroles n'importe comment, ou alors elle vous demande de faire tout et n'importe quoi. Souvent France 3, on demande aux gens de marcher à côté des pots de fleurs pour illustrer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Là, quand on voit quelqu'un qui parle, on voit l'image aussi de quand il parle. Enfin, on voit que les choses sont dites et que les gens sont d'accord. Mmh. L'idée, c'est aussi qu'on peut s'identifier à des personnages comme dans une fiction. Un documentaire peut, si vous voulez, dans les fictions, on voit des gens qui sont en train de vivre, on voit des choses privées, on voit les familles, on voit une histoire qui se raconte. On peut faire la même chose en documentaire, tout à fait. Un documentaire qui, dans sa couleur générale, est plutôt calme, posé, avec une certaine douceur, alors que les faits que vous rappelez et qui sont en cause dans ce documentaire auraient pu engendrer beaucoup de rage. Ben, il fallait faire un film à la hauteur de la dignité que je trouve, en fait, hein, à ces personnes. Mmh. Si vous voulez. Et pour être à la hauteur, il fallait vraiment, d'ailleurs, à la hauteur aussi de, enfin, comment dire, s'éloigner de la bassesse, on va dire, des moyens qui ont été mis pour les arrêter, etc. Bon, si vous voulez, les policiers, quand ils débarquent, ils défoncent les portes, ils braquent les flingues sur les enfants. Ils sont là, les bandits, si vous voulez. Mmh. Moi, les gens que je filme, c'est des gens que je trouve intelligents, intéressants. Oui, voilà, pour moi, c'est des résistants, si vous voulez. Et je pense que par la douceur, on peut dire beaucoup de choses. Oui, et c'est pas, alors qu'on aurait pu s'attendre aussi à ça, c'est pas un documentaire revendicatif, c'est pas un documentaire qui dénonce, mais par contre, c'est un documentaire qui expose la mécanique d'État et comment cette mécanique d'État peut détruire des êtres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la répression, hein, si vous voulez, en ce moment, les soulèvements de la Terre, etc., vivent la même chose. Hein. Ouais. Donc c'est comment le politique essaye d'instrumentaliser la justice, comment en fait on brutalise les gens en fait qui défendent des causes, je trouve, honorables. Hein. Mais bon, on connaît ça, hein, si vous voulez, le monde entier connaît ça. L'affaire Tarnac était les prémices en fait de ce qui se passe en ce moment. Hein. Et ce que l'on a pu voir ensuite sur la ZAD à côté de Nantes, voilà. Mais aussi sur les dernières grosses manifestations sur les méga bassines ou dernièrement sur le tunnel entre l'Italie et la France. On va simplement rappeler donc le procès de 2018 s'achève par un non-lieu général. Il y a certains inculpés qui seront condamnés pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique, donc à une prise de sang. Mais hormis ça, tous les inculpés sont relaxés, d'où le nom de votre film, Relax. Et il y a cette phrase quand même assez magique de la présidente de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Corinne Goetzmann, qui écrit dans les attendus de son jugement, je cite, « L'audience a permis de comprendre que le groupe de Tarnac était une fiction. Une fiction policière, ce qui est quand même une gifle incroyable pour le gouvernement et le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et étrangement, Michel Alliot-Marie n'a jamais été appelé à répondre de cette faute majeure. On lui a demandé de venir au tribunal. Elle a dit « Je connais très mal ce dossier ». Donc ce film, vous le montrez maintenant depuis un peu plus de 2 mois. Quelles sont les réactions du public lorsqu'il voit ce film ? Les réactions sont très bonnes. Moi, je suis enchantée. Alors déjà, je remercie tous les programmateurs qui ont choisi le film, qui ont choisi de montrer ce film, parce que c'est pas évident de montrer des films au cinéma, des documentaires, je veux dire. Et le public, en général, les gens sont nombreux et sont touchés, évidemment. Mmh. Alors, il y a ceux qui connaissent l'affaire, mais même ceux qui ne la connaissaient pas. Ça fait un tel écho, si vous voulez, à ce qui se passe aujourd'hui, en termes de répression policière, et puis c'est quand même un film qui se termine par une victoire malgré tout, donc on voit aussi que la force du lien, du collectif, que le combat en vaut la peine. Oui. C'est important. Merci Audrey Ginesti, à très bientôt. Et merci à vous. On vient donc d'écouter Aurore, Bite My Face, Aurore, demain soir, aux connexions live, musique, tendance, hip-hop, hardcore. Et puisqu'on en est là, eh bien, on va commencer tout de suite la rubrique des concerts, rubrique concoctée avec l'aide du Distorama, l'agenda culturel des bas-fonds toulousains, disponible sur le net, mais aussi en version papier dans les bars, les cafcons et les salles de concerts à Toulouse. Et ce soir, les concerts à Toulouse, eh bien, ça commence au Jardin Compense Caffarelli par la 20e édition des siestes électroniques, festival gratuit et pointu, festival qui se déroule pendant tout le week-end. Plus de renseignements sur le site les-siestes.com. De son côté, la chorale de l'Ébranleuse est au théâtre du Grand Rond à partir de 19h. Chanson aux connexions live à 20h avec Pascal Zénon et Sœur Romy. Du swing à la Candela à 20h30 avec Sleep Valkers. De la musique des Balkans aux Ogresses à 20h30 avec Smokey Boat. N'oubliez pas que ce soir, c'est également la soirée d'ouverture de Tango Postele, le festival de tango de Toulouse qui jusqu'au 9 juillet propose concerts, expositions, cours de tango pour débutants, projections et puis également des balles. Et ce soir, justement, ça commence au Sing Sing avec un bal animé par le groupe Asato Pais. On continue avec Au Ravelin, un groupe de punk folk, les Suédois de Monica and the Explosion. Il y aura également du rock avec Misty Wild et puis du rock garage avec Badass Mother Feather, un triple plateau pour une soirée de fin de saison qui s'annonce agitée. Au taquin, ne pas oublier non plus que ce soir on pourra y écouter de la musique Aka, les Aka, une population pygmée des forêts d'Afrique centrale, sud de la République de Centrafrique et puis également nord de la République du Congo avec Ndima, un spectacle célébrant cette culture menacée de disparition entre musique percussive, chant polyphonique et danse. Et là aussi, ça tourne beaucoup autour de la trance. Début de ce concert de musique Aka ce soir au Taquin à 21h. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme, oui, la chienlit, non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Personne n'a craqué! Et là! Et là! Je vous demande de vous arrêter! Et voilà, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, John Little prend le contrôle de Campus FM avec son génial et incredible Little by Little Wicked Show. Demain soir à 22h, le dernier épisode de la liste, dernier épisode de la saison. Et la liste de demain soir sera celle de la pianiste Christine Vodraska, liste absolument épatante. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour la toute dernière de Caramel Mousse. sans doute beaucoup de monde pour cette dernière, notamment Joël Lecussant, que l'on n'a pas vu cette année dans cette émission et qui viendra nous parler de la situation actuelle de Mixar Miris. Oui, souvenez-vous, Mixar Miris a arrêté ses activités il y a maintenant plus de 2 ans. Il serait peut-être temps de voir où ils en sont dans leur reconstruction. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel.